Salon Noir. Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais rien de lui, si ce n'est son nom qui m'évoquait le début du deuxième millénaire avant notre ère. Le Moyen Empire, mieux, la 12e dynastie, diraient les égyptologues. Personne ne lui avait encore rendu hommage, c'est chose faite, puisqu'aujourd'hui, une exposition ouvre au Palais des Beaux-Arts de Lille, forte des collections de l'Institut de papyrologie, du Musée du Louvre ou du British Museum. Pour découvrir Sésostris, troisième du nom, son œuvre, son époque, son règne, mais aussi les dernières découvertes qui lui sont liées, j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Guillemette André-Lanoé. Bonjour. Bonjour. Égyptologue, conservateur général du patrimoine, directrice honoraire du département des antiquités égyptiennes du Louvre. Vous avez dirigé les fouilles du Louvre à Saqqara. Vous avez aussi œuvré sur Deir el-Médineh. Vous êtes surtout une habituée du Salon Noir. Guillemette André, dans la longue histoire de l'Égypte pharaonique, que représente le Moyen Empire, voire la 12e dynastie ? Le Moyen Empire, c'est une époque extrêmement importante et fondatrice pour l'Égypte des pharaons d'une manière générale, qui effectivement contient que 30 dynasties, plus quelques incursions à la fin du côté des Grecs, puis des Romains. Et cette époque est importante puisqu'elle est considérée comme une époque de référence, l'âge d'or de l'Égypte ancienne. Elle apparaît après la première période intermédiaire, donc ça veut dire une période de troubles, de difficultés, d'affaiblissement du pouvoir central entre l'Ancien Empire et enfin le Moyen Empire. Et le Moyen Empire, qui naît grâce à une dynastie issue de la région de Thèbes, Louxor aujourd'hui, qui se met sous la protection du dieu Montou, le dieu de la guerre, dont on connaît un certain nombre de sanctuaires dans la région. C'est Montou Hotep, puisqu'ils prennent le nom du dieu dont ils se font les défenseurs pour reprendre en main l'Égypte. Ils créent ce Moyen Empire, ils ne le savaient pas, mais nous, historiens et égyptologues, nous le savons, qui est une période qui va permettre à l'Égypte des pharaons et à la civilisation égyptienne et au peuple de pharaons de s'épanouir dans une grande prospérité et avec une politique aussi bien intérieur qu'extérieur, extrêmement, agressif pour l'extérieur et en même temps socialement très intéressante, en tout cas quand on s'intéresse à la société, ce qui est le cas de Vincent Charpentier et de moi-même. C'est quand même très important pour nous de voir à quel point il s'est passé des choses sous les Montotèpes, puis sous les Aménémates, puis enfin sous les Sésostris, qui permettent de considérer que c'est une période de référence absolue dont se sont inspirés non seulement les successeurs du Nouvel Empire, mais même au-delà, jusqu'à l'époque grecque. Donc, la 12e dynastie, c'est un tout petit bout là-dedans Alors non, pas du tout. C'est un bout fort important, puisque le Moyen Empire, c'est la fin de la 11e dynastie. Ça commence, on va dire, vers 1950 avant Jésus-Christ. Et il y a la 12e dynastie, qui est sûrement la dynastie qui a compté le plus de pharaons vraiment majeurs, qui ont réassis, on va dire, le trône, enfin le pharaon sur son trône, et ont donné à leur pays une autorité et une puissance incroyables. Et ensuite, il y a la 13e dynastie, qui n'est pas considérée du tout comme une période de décadence, mais qui est considérée comme une période qui, finalement, on va dire, roule bien derrière tous les pharaons qui avaient mis les choses en place. Alors justement, dans la 12e dynastie, à part Sésostris 1, 2, 3, qui sont les grands pharaons? Alors, les Sésostris 1er, ça n'est pas mal du tout, car si vous allez au temple de Karnak, vous pouvez visiter dans le musée en plein air ce qui s'appelle la chapelle blanche, qui est quand même un joyau de l'art égyptien. Et fouillé par la France. Fouillé par la France, exactement, comme quasiment tout ce qui se trouve encore sur place dans l'enceinte de Karnak. Et ensuite, il y a les Aménémates, qui sont les prédécesseurs de Sésostris, car il y a une alternance Aménémates-Sésostris. C'est pas si simple que ça, c'est pas tous les aménémates puis tous les sésostrices. Il y a les Montuotep, les aménémates et les sésostrices qui se partagent finalement la 12e dynastie pour en faire cette période de pointe, on va dire, de mise en place des choses pour qu'elles donnent une stabilité, une grande prospérité à leur pays. Et sésostrice premier a énormément compté et aménémate 3, le fils de Séostris III a aussi poursuivi l'œuvre de son père. L'œuvre de son père. Et Séostris II avait également bien élevé son petit Séostris III pour qu'il devienne cet immense pharaon auquel le Palais des Beaux-Arts rend hommage. Tout semble commencer en 1872, bien sûr, avant notre ère. Une date très précise issue d'un document exceptionnel, la lettre d'El Laoun. Oui, alors nous avons la chance pour connaître le règne de Séostris III de pouvoir se confronter et cohabiter des textes sur papyrus et des monuments en pierre, du matériel lapidaire. Et tout cela nous permet de considérer maintenant, mais c'est vrai que là il y a eu un vrai débat sur la longévité du règne de Séostris III, on a souvent pensé qu'il y avait une corrégence. Finalement, maintenant, grâce aux travaux de mon collègue Pierre Tallet, qui est historien et qui est maître de conférence à Paris IV, qui a écrit un livre absolument fondamental sur Séostris III, on sait et on a toutes les raisons de penser que le règne de Séostris III a duré 19 ans sans corrégence. Et c'est vrai que la lettre et les échanges épistolaires sortant d'El Laoun, qui était une ville fondée par les Sésostrices, donne toutes les raisons d'imaginer qu'on s'en tient à 19 ans pour le règne de Séostris III. C'est une lettre extrêmement précise qui parle du 7e, de la 7e année du règne, c'est ça? Oui. Avec un point astronomique clé. Voilà, on a des précisions dans cette lettre sur le temps qu'a duré l'arrivée au pouvoir du pharaon. Et puis l'étoile, alors là j'ai un petit peu, non pas un trou de mémoire, mais un flou sur quelle étoile qui a permis de préciser que en l'an 7, le pharaon s'était déplacé. Qu'ensuite, on a aussi la précision par une stèle importante qu'il avait fait 4 campagnes en Nubie et que la dernière s'est passée à la fin de la 19e année de son règne. Alors ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces dates de règne, c'est encore assez flou dans l'Égypte ancienne. Les égyptologues, les papyrologues ferraillent entre guillemets sur ces dates ou n'en ont pas. Par exemple, on ne sait pas la date de naissance ou de mort de Séostris III. Non, on ne sait absolument pas sa date. C'est toujours des suppositions. On ne sait pas tout en égyptologie. Mais tant s'en faut. Mais on a tellement de documents à lire. Vous savez, nous, les égyptologues, on a d'abord plus de 3500 ans de documentation inscrite à étudier et à déchiffrer. Et ensuite, c'est quand même un peuple et une civilisation qui a écrit partout. Vous n'avez pas un temple égyptien qui soit un épigraphe. Alors on pourrait être jaloux de nos collègues hellénistes qui se promènent dans l'acropole et qui n'ont rien à lire sur les colonnes des temples, mais c'est vrai que nous, on a quand même du boulot. Alors, il aura 4 épouses, rien de moins, et c'est tout à fait normal. En tout cas, que sait-on sur ses pères et mères? Alors, on sait que c'est intéressant parce qu'on sait depuis pas très longtemps que sa maman, c'est la reine Renemet Neferhedjet, dont le musée du Louvre a acquis une magnifique statue il y a une quinzaine d'années, et que son père était Séostris II, qui avait déjà entamé un peu de réforme avec plus de timidité. Mais ce qui est amusant quand même, c'est de voir que ce pharaon Séostris III, il est quand même très, très reconnaissable. Il est saisissant par son physique, par les statues qui donnent de lui des effigies souvent assez proches, mais à chaque fois avec un caractère très marqué, très autoritaire, très implacable, très sérieux, très soucieux. Et cela apparaît déjà sur les visages de son père à la fin du règne. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que l'idéologie qui est très marquée dans l'effigie des pharaons des Séostris II est une chose que l'on ne retrouvera plus après, sauf sous Akhenaton. Statue, bien sûr, que l'on peut voir dans l'exposition. La sépulture de sa mère aura été récemment découverte? Alors, la sépulture de sa mère, oui, nos collègues américains du Metropolitan, en particulier le professeur et docteur Dieter Arnold, ont fouillé toutes les pyramides satellites autour de la pyramide de Séostris III. Et on se rend compte que là, on découvre la sépulture et de sa mère et des princesses qui avaient été trouvées bien avant par Jacques de Morgan. Mais tout cela est dans un secteur très remarquable, mais d'autant plus difficile à fouiller qu'il s'agit de pyramides qui ne sont pas construites comme les grandes pyramides de Gizeh, des pharaons de l'Ancien Empire. On n'est pas du tout à Gizeh avec Khéops, Khéphren et Snéfrou et Mykérinos. On est dans des pyramides dont l'intérieur est entièrement en briques crues. Donc disons que ce sont des moellons de pyramides que l'on met au jour avec des pyramides annexes dont les superstructures ne sont pas toujours évidentes à mettre au jour. En tout cas, les auteurs de l'Antiquité classique en font le modèle du monarque égyptien. Voyons donc son œuvre. Tout d'abord, en Égypte, on lit souvent que Sésostris III serait un réformateur, notamment dans l'administration Esréel. Oui, c'est tout à fait intéressant de voir qu'il y a une vraie modification la société égyptienne sous Sésostris III. En fait, vous savez, jusqu'à Sésostris III, il y avait le pharaon, la cour qui courtisait son pharaon, comme son nom l'indique, et l'élite et le vizir qui gouvernait. Les grandes familles, on va dire. Et puis, dans chaque province, il y avait ce que nous nommons des nomarques, c'est-à-dire des chefs de nomes, qui étaient bien vus par le pharaon et qui récoltaient les impôts et qui faisaient marcher les campagnes et les sociétés pour le bien-être de pharaon, auquel ils rendaient des comptes et ils apportaient les tributs de leur province chaque année. Sésostris III veut un peu modifier les choses et on ne peut pas dire qu'il modifie, on peut dire qu'il diminue le pouvoir des nomarques et qu'il met en place vraiment des ministères, ce que l'on peut appeler des ministères avec des bureaux, avec une administration extrêmement codifiée, hiérarchisée, avec des chefs, des sous-chefs, des intendants, des substituts, des assistants. Bref, il y a toute une hiérarchie cette classe nouvelle qui émerge et que l'on peut à peu près identifier une classe moyenne. Et ce qui caractérise cette classe moyenne, c'est qu'il s'agit la plupart du temps de gens lettrés. Là, on se rend compte aussi qu'il y a de plus en plus d'Égyptiens qui travaillent dans les bureaux, qui sont des bureaucrates et qui sont amenés à rédiger, à écrire et à lire. Tout ça pour... ils font que les ordres du pharaon et du gouvernement central soient distribués alentour et surtout, surtout dans toute la vallée du Nil. C'est très intéressant, la naissance d'une classe moyenne, d'une sorte de middle class égyptienne avec une ribambelle de petits fonctionnaires. C'est la première fois que ça s'opère dans l'histoire de l'humanité. On sait bien qu'on avait la première grève est égyptienne, Adel al-Médine. Et les premières classes moyennes apparaissent aussi. Oui, moi j'ai un collègue qui avait fait un compte-rendu d'un papyrus qui était un papyrus qui racontait comment on faisait construire des bateaux dans un arsenal. Et c'était des ordres et des précisions et des contre-ordres qui étaient répétés chaque jour. Et il disait qu'il ne manquait que le carbone. Et on peut dire qu'effectivement, dans les bureaux sous Sésostris III, à part le carbone, on a retrouvé quand même toutes les traces d'une manie d'écrire, d'enregistrer et de transmettre les ordres. Alors j'ai aussi lu qu'il y avait trois ministres qui géraient désormais le royaume sous le contrôle du vizir. Alors une chose est sûre, le vizir existe en Égypte depuis la nuit des temps. Oui. Mais les trois ministres, ils sont réels ou pas ? Alors, il y en a un qui est très important, qui est le directeur des biens scellés, on pourrait dire le trésorier ou le chef du trésor. Il est très important parce que d'abord, il est nommé directement par le pharaon et parce que c'est celui qui gère les stocks, et en particulier les stocks des matières premières que l'on envoie chercher tant au Sinaï qu'en Nubie, qu'au Proche-Orient. Et ce sont des personnages qui jouent un rôle très important parce qu'ils ont la confiance du pharaon, alors qu'on ne sent pas autant cette confiance entre le pharaon et ses vizirs, qui sont plutôt des dynasties qui continue de jouer un rôle, mais le directeur des biens scellés, c'est-à-dire celui qui a finalement la main sur la finance, c'est quand même l'homme le plus important. On dit toujours que le pharaon est un bâtisseur, est un pharaon bâtisseur même. Si peu de choses nous sont parvenues, qu'a-t-il réellement construit, hormis bien sûr sa pyramide ? Il a dû débuter dès le début de son règne. Alors, c'est très troublant de parler de Sésostris III, et je suis très heureuse que la mairie de Lille ait eu l'excellente idée de nous donner les moyens de faire cette exposition, parce que c'est un immense pharaon dans l'histoire de l'Égypte, et Hérodote a quand même été très très marqué par la mémoire et la légende de Sésostris III, mais il n'empêche qu'on le connaît peu par ses monuments. Je vais même vous dire, pour ne pas vous décourager, c'est qu'il est connu en Moyenne-Égypte, c'est-à-dire au sud du Caire et du Fayoum et au nord de Louxor, un endroit où il n'y a quasiment pas de touristes et où peu de gens se rendent. Il est connu au Moyen-Égypte et il est connu au Soudan, enfin en Nubie, on va dire, mais au Soudan actuel. Et dans une région qui a été inondée par le lac Nasser. Donc si on veut voir des vestiges de Sésostris III, c'est qu'on est quand même un peu embarrassé. C'est à nous, égyptologues, d'essayer de reconstituer tout ce que Sésostris III a pu faire construire. Et on sait par la centaine de statues monumentales qui étaient ornementales pour des temples et pour des sanctuaires et pour des palais que nous avons retrouvés, on imagine qu'il a une politique de construction absolument phénoménale. Mais pourquoi tout ça a disparu ? Eh bien parce que nous sommes plutôt au 19e siècle avant notre ère, qu'ensuite il y a quand même quelques successeurs qui ont récupéré les monuments de Sésostris III pour en faire simplement des dallages ou des remplois à l'intérieur de leur propre construction. C'est quand même ça aussi l'histoire de l'Égypte. Tout Karnak est fait à l'intérieur des pylônes de construction antérieure. La chapelle de Sésostris Ier, la chapelle blanche, a été trouvée en kit, on va dire, à l'intérieur du troisième pylône. Mais elle n'existait plus, on ne la voyait plus. Sa politique religieuse, on la voit au travers du site de Medamoud et des fouilles françaises de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire. Oui, alors Medamoud, c'est un site extrêmement fameux pour l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, puisqu'il a été fouillé dans les années 20 et que Bisson de la Roque y a retrouvé des œuvres extraordinaires que l'on peut voir à Lille, puisque le musée du Louvre, il faut bien le dire, a dégarni un quart de sa salle Moyen-Empire pour prêter des chefs-d'œuvre à Lille, en particulier deux statues du pharaon et un linteau qui le montre alternativement aimable ou sévère. Donc c'est quand même ça aussi, il faut voir là où il est très très pionnier, Sésostris III, c'est qu'il a compris ce que c'était que la stratégie de communication. Alors là, je fais exprès d'utiliser un langage un peu moderne, un peu 21e siècle, mais c'est vrai qu'il a, par sa double effigie, quasiment systématique, tantôt aimable, jeune, les joues pleines, l'air, on va dire, assez détendu, ou tantôt extrêmement implacable, soucieux, marqué par les années, les cernés, des rides un peu partout, eh bien, on voit que simultanément, il a fait faire ses statues ou ses linteaux le montrant tantôt jeune, tantôt, on va dire, mature, uniquement pour impressionner finalement ses ennemis. Et à ce moment-là, il a l'air sévère ou aimable. Et là, c'est pour son peuple. France Culture, le Salon Noir, Vincent Charpentier. Guillemette Andreux, c'est aussi Abydos, avec le développement d'un culte dédié à un important dieu, Osiris. Oui, alors ça, c'est l'histoire du Moyen-Empire aussi, et c'est là qu'il y a une petite révolution, en tout cas religieuse et culturelle, c'est que le culte du dieu Osiris devient absolument majeur en tant que dieu de l'au-delà, dieu des morts qui accompagne la traversée vers le paradis et qui doit protéger le défunt dans son difficile passage qu'il doit affronter pour avoir un au-delà paisible. Et c'est tout à fait amusant de voir ce qui s'est développé à Abydos, qui est donc le site au nord de la Haute-Égypte, à 150 km de Louxor. À Abydos, il y a un immense, on va dire, aujourd'hui, terrain vague. Alors, ça n'est évidemment pas du tout un terrain vague au Moyen-Empire. C'était une immense esplanade, un peu comme... c'était truffé, c'était plein d'ex-voto, de chapelles funéraires, où les Égyptiens avaient le souci de faire ériger une chapelle commémorative. Ce n'était pas une chapelle funéraire, au sens qu'elle n'accompagnait pas leur propre enterrement. C'était simplement l'idée qu'il fallait que sur une stèle, il y ait leur nom, les noms de leur famille et les titres qu'ils portaient dans leur profession pour que Osiris lise, on va dire, leur nom et les aide à passer dans l'au-delà. Et à ce moment-là, Sésostris III, lui, s'est intéressé à la montée de ce dieu en puissance dans l'esprit des Égyptiens et il y a du coup décidé d'y faire construire une tombe. Osiris, c'est bien sûr le fameux dieu démembré par son frère cadet Seth. Guillemette Andreu, je rappelle pour les auditeurs du Salon d'Art de France Culture que vous êtes égyptologue, conservateur général du patrimoine, directrice honoraire du département des antiquités égyptiennes du Louvre et que nous évoquons le règne d'un grand pharaon, Sésostris III. Son règne marque une rupture dans l'histoire du pays. Sésostris III est un pharaon visionnaire, un chef de guerre avec la conquête de la Nubie. Oui, ça c'est la grande aventure agressive et guerrière de Sésostris III, c'est que on lit dans les textes, en particulier d'une stèle qui est au musée de Berlin, le mépris qu'il avait pour les Nubiens, qu'il traite de poltrons, de lâches, d'incapables de se défendre. Et il a voulu en fait faire la guerre, puisqu'il a fait 4 campagnes militaires, au royaume de Kerma, dont Charles Bonnet a montré que c'était une capitale importante avec une vraie civilisation indigène, eh bien, cette population de Kerma, que l'on appelle aussi le royaume de Kush, s'est confrontée à Sésostris III plusieurs fois, à ses soldats, et finalement, il les a abattus, on va dire, enfin, il les a dominés. Mais pour maintenir cette domination et pour les contrôler, il a eu aussi une idée assez neuve, puisque c'est le premier exemple d'architecture défensive militaire au monde. Il a fait construire un réseau de forteresses sur les bords du Nil. Ses prédécesseurs avaient commencé, mais lui, il en a rajouté 7. Et ces forteresses avaient vocation à contrôler tous les mouvements de population, tant sur le fleuve que sur les chemins qui longeaient le fleuve. Kerma, capitale du royaume de Kush, était alors une véritable puissance politique, oui. Politique et militaire. Oui, oui. Et en plus, il n'avait pas du tout peur des Égyptiens. C'est ça qui est amusant. C'est qu'on voit bien que Sésostris essaye de les mépriser et les prendre par le haut. Mais en fait, il avait en face de lui des gens extrêmement compétents et stratèges. Charles Bonnet, grand archéologue suisse, a fouillé cette ville de façon tout à fait extraordinaire. C'est une grande ville de terre crue. C'est une grande ville de terre crue et Charles Bonnet a eu des idées extrêmement élégantes dans la restauration de cette ville puisqu'elle est très bien évoquée par les restaurations qu'il y a pratiquées ces dernières années. Et puis Charles Bonnet vient de faire paraître 2 livres sur le sujet et j'espère qu'il sera prochainement l'invité, bien sûr, du Salon Noir. La Nubie, c'est alors, une fois encore, le contrôle des ressources riches pour les Égyptiens, notamment l'or. Alors, notamment l'or, tout à fait, l'or et puis aussi le bois d'ébène. Il faut voir que c'est quand même la porte vers l'Afrique et que les Égyptiens n'avaient finalement comme bois que de l'acacia et du palmier, ce qui n'était pas des bois très nobles, et qu'ils avaient une passion pour l'ébène et que régulièrement, ils allaient chercher, bon, aussi, ils allaient chercher des éléphants, ils allaient chercher de la population aussi qui leur servait de main-d'œuvre. Hein. C'était aussi une façon d'avoir de quoi faire construire tous les palais et tous les temples des grandes de la vallée du Nil, on va dire. Et puis l'immigration, elle est peut-être dans les deux sens. Est-ce qu'il n'y a pas des Égyptiens qui viennent s'installer? Non, il y a beaucoup. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment des traces de colonisation égyptienne avec des vies de colons dans les forteresses, puisque le professeur Jean Vercouter, pour l'Université de Lille, a fouillé la forteresse de Mirghissa, toute l'enceinte. Il a aussi fouillé une nécropole. Et on voit à quel point il y avait finalement, c'était sédentarisé des militaires égyptiens qui étaient là avec leur famille et qui vivaient à l'égyptienne dans ces forteresses. Ça aussi, c'est amusant, c'est de voir à quel point il y a une acculturation, mais quand même pas si grande que ça. Alors, dans cette série de forteresses, la plus emblématique est la forteresse de Mirghissa. C'est une fouille absolument exemplaire. On y a retrouvé quantité de choses. Ah, c'est une fouille modérément exemplaire dans la mesure où c'est une fouille de sauvetage, puisque les eaux du lac Nasser montaient tragiquement et que Vercouter et toute son équipe ont été amenés à sauver tout ce qu'ils pouvaient. Mais malheureusement, c'était de la brique crue, donc elle est fondue maintenant sous les eaux. Ils ont sorti quand même énormément d'armes, de mobilier de la vie quotidienne, de poterie, des objets en cuir, des dagues par exemple, des armes tout à fait impressionnantes. Et ce qui est formidable dans l'exposition, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait que je le dis, mais c'est parce qu'on a réussi quand même à faire cohabiter des œuvres qui parlent de la vie quotidienne dans ces garnisons et des chefs-d'œuvre de l'art égyptien au temps de Théostris III. Et puis dans cette forteresse, on a découvert qu'elle a bien sûr été protégée par des murs de terre crue de 6 mètres de large, mais elle était protégée symboliquement. Oui, il y avait des objets magiques que nous appelons des figurines d'exécration, ce sont, ou des bols d'exécration. Ce sont des bols ou des petites figurines de personnages ligotés sur lesquels on inscrivait à l'encre le nom des pays ennemis. Et c'était une façon de, magiquement, comme ils étaient ligotés et qu'ils étaient voués à tous les malheurs et à toutes les maladies et à toutes les morts, c'était une façon de les dominer, en fait. Alors ce règne est surtout une période de rayonnement et d'influence à l'extérieur de l'Égypte. Il faut peut-être parler de Chypre, de la Palestine, du Liban. Il faut parler du Liban parce que nous avons à Lille des chefs-d'œuvre qui viennent du Musée national de Beyrouth et là qui nous ont été apportés par la directrice du musée. Et moi, je n'imaginais pas. Et c'est amusant aussi en plus parce que c'est Pierre Monté, égyptologue, qui a mis au jour dans la nécropole royale de Byblos ces tombes qui sont des tombes de princes, on va dire de Byblos, indigènes, mais qui se sont fait enterrer avec du mobilier à l'égyptienne. Et on voit à quel point l'influence du temps Théostris III, culturelle, artistique, du point de vue de la joaillerie, du point de vue des coutumes funéraires, est importante avec les pays du Proche-Orient. Mais on va jusqu'à Adana, en Anatolie, on trouve des objets égyptiens. C'est quand même assez étonnant de voir comment, sous Théostris III, il y a eu des échanges artistiques et culturels. Quelquefois un peu belliqueux, il faut bien le dire. Le Liban, la Palestine, Chypre aussi. Oui, absolument, ouais. À Chypre. Mais on a des vases d'influence chypriote que l'on trouve dans la capitale et dans les villes du temps de Théostris III. Et puis on évoque toujours la pharaone Hatchepsout, mais Théostris III aurait aussi lancé une expédition vers une contrée lointaine et remplie de mystères, le fameux pays de Punt. Alors oui, il y a, on va dire, une hypothèse comme quoi Théostris III aurait envoyé cette expédition vers Punt, mais qui est quand même une contrée dont la localisation est toujours en débat et qui se trouve du côté de l'Érythrée ou du côté de Djibouti, on ne sait pas trop. Et c'était une contrée où les Égyptiens et les marins égyptiens allaient chercher l'encens. En démontant les bateaux et en les remontant, c'est bien ça ? C'est ça. On a retrouvé les ports de la mer Rouge ? Oui, on a retrouvé des ports, mais disons que ce n'était pas forcément pour aller à Punt. On sait, effectivement, il y a des stèles trouvé sur la mer Rouge, qui parle d'une expédition à Punt. Donc on sait qu'il fallait partir de la région, on va dire, de Kosser, sur la mer Rouge, pour partir à Punt. Mais la localisation géographique exacte de Punt, pour le moment, est encore à trouver. Reste la pyramide du pharaon. Dans sa pyramide, Jacques de Morgan entreprend de réaliser en 1894 de véritables galeries afin de trouver le sarcophage royal. On ne ferait bien sûr plus ça de nos jours. Non, on le ferait, même non. Si c'était un excellent archéologue. C'était un très grand bonhomme et c'était vraiment un personnage tout à fait important de Morgan. La grande nouveauté quand même sur le lieu d'enterrement de Théostris III, et puisqu'on parle d'actualité archéologique, c'est que depuis, on va dire, à peu près cette année ou l'année dernière, les fouilles de Joseph Wegener à Abydos montrent que c'est finalement dans un hypogée secret, dans une tombe secrète creusée au pied de la montagne d'Abydos, et du dieu Anubis, que Théostris III se serait fait enterrer, puisqu'on a trouvé des herses absolument monumentales, des blocages qui devaient empêcher les pilleurs, ce qui n'a malheureusement pas marché, mais on a quand même un sarcophage, ces énormes blocages qui devaient donc permettre au pharaon d'avoir une vie tranquille dans son sarcophage. Et tout cela prouve que, vraisemblablement, c'est à Abydos qu'il a été enterré et pas à Dachour. Et puis, rappelons aussi que de Morgan avait trouvé le fameux trésor de Dachour, et trésor dont vous devez présenter sûrement des bouts dans cette expo du Palais des Beaux-Arts de Lille. Des bijoux admirables. Admirables. Et puis voir donc aussi un très beau livre, plutôt qu'un catalogue, il s'agit d'un véritable livre. Guillemette Andreu, merci beaucoup. Merci. Archéologue, orientaliste, spécialiste de la proto-histoire de l'Asie moyenne, Roland Besanvial vient de décéder sur le terrain à Douchanbé, au Tadjikistan. Directeur de recherche au CNRS, ancien directeur de la délégation archéologique française en Afghanistan, Roland avait notamment œuvré dans le Makran pakistanais, en Iran et en Afghanistan, sur la ville d'Alexandre le Grand, Bactre. Depuis peu, il débutait un nouveau terrain, le Sultanat d'Oman. L'archéologie orientale vient de perdre un chercheur d'un immense savoir.